9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Allez, vas-y Francky, il est 7h. Belle journée, bon réveil, bonjour sur la planète. J'espère que vous avez passé un agréable nuit, que tout s'est bien passé. Ouais, parce que des fois, on a du mal à dormir. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver avec un ciel qui est plutôt mitigé ce matin, mais le soleil devrait être là et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Bambi à la planète, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. On est en direct, vous savez, sous la douche, au petit-déj, et bien on est là, c'est Camaro et Femme Like You. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Aquel día te encontré por beber del veneno.

j'adore ce mec. Joseph Salvette avec Open Season. C'est vrai que ça y est, la saison est ouverte. Hein. Départ en vacances ce week-end, faites gaffe, c'est noir sur les routes. Hein. Bison, futé, conseille plutôt de partir dimanche à la fraîche ou alors dans l'après-midi, hein, comme vous voulez. En tout cas, samedi dans la nuit, c'est compliqué. Et ce soir aussi, donc soyez très très prudents si vous partez en Vendée, par exemple. On vous aime la famille, puis le meilleur des souvenirs qui arrive. Et côté météo, on fait un petit point tout à l'heure. Ça va être mitigé aujourd'hui. Normalement, ce soir, ça devrait se maintenir. Pas de pluie au programme, mais bon, ça peut changer. Allez, bonne douche à tous. Vous qui venez d'arriver des côtés de la radio, qui ouvrez les oreilles et puis qui fermez les yeux, et bien aussi, Velvet on Fire avec Boogie Woogie Wonderland. Ça me rappelle mes années disco, ça, ouais. À l'époque, bientôt, peut-être l'arrivée ouverte des discothèques pour septembre pour Orléans. Peut-être avant, on sait pas. Hein, ouais. Ça va faire plaisir, on trouve un peu le dance floor en direct, c'est Francky dans la radio. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Et ouais, j'avais envie de douceur. quand on est comme ça, au réveil, il y en a qui ont la tête dans le Luc, hein. Bah ouais, bah justement, on pense à eux, tous ces gens qui ont du mal à se réveiller, avec France Gall, évidemment. Y a comme un goût amer. Pour Daniel Balavoine, hein, qui était parti dans le Paris-Dakar, ouais, en 1986. Bon réveil, belle journée, Cocorico, le coq qui va sonner. Et puis, vous vous rappelez de ça ou pas? Qui va reconnaître ce film? Il est là. Il est là. Lors de se réveiller. Monseigneur. Il est là. Il est 8h. Et il est 7h20. Vous avez reconnu, vous m'appelez 02 38 43 48 00. Et puis je vous file un putain de cadeau. Ah ouais, 02 38 43 48 00. Si vous avez reconnu ce film, appelez-moi. Je vous file le cadeau de ouf, vous allez voir. Eh, toujours numéro 1 des clubs. Ceux qui sont ouverts. C'est le collectif. Dans la latino, caliente culo. Et le collectif, carton dans les clubs, sur toutes les radios en ce moment. Ça c'est le son pour l'été, hein. Bah ouais, dans le camping, là on fait la fête avec Danza Kuduro. Radio Arc-en-Ciel, 7h22 minutes et la météo pour aujourd'hui. La météo. Le ciel ce matin est plutôt dégagé, mais ça va se couvrir dans la matinée, en fin de matinée, avec des nuages, quelques rayons de soleil, mais très timides, du soleil, des nuages, peut-être quelques gouttes de pluie, mais normalement, ce soir, la température doit être plutôt clémente et le temps aussi. Normalement, si tout va bien, du son qui arrive avec une belle reprise de La Isla Bonita, et on adore sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Talent Ego, Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. En direct, 7h26 minutes, heureux d'être avec vous. Puis 70 ballets déjà, ça passe pour Jimmy Somerville, dit James Arthur. qu'on adore en France, parce que c'est vrai qu'il dit lui-même, l'Écossais, je cartonne vraiment en France, et il a 70 balais. Rappelez de ce titre, la reprise de You Make Me Feel de Sylvester, c'est Jimmy Somerville. À l'époque, hein, sous la douche, 1989, Jimmy Somerville, You Make Me Feel, repris par lui-même d'ailleurs, et la création 77, faire l'année, hein, c'est pour ça que je suis perdu sur Wikipédia là, 77 par Sylvester. Il avait écrit ce titre en l'honneur de sa femme à l'époque, Sylvester, You Make Me Feel, repris et corrigé par le beau Jimmy Somerville qu'on adore sur votre radio couleur en direct ce matin, 7h29 minutes. Salut Pascal du côté de Saint-Jean-de-la-Ruel. Salut Francky. You Make Me Feel, ça me rappelle mes années discothèque. Ouais, 89, ouais, c'était ça. Ouais. Sur le dance floor, on est bien là. Un tintin. Belle journée sous le soleil qui commence à arriver avec quelques nuages tout à l'heure. Mais normalement, la pluie ne devrait pas faire son apparition. On est en direct jusqu'à 9h, ça c'est sûr. Voici Bob Sinclair, le remix de Jérusalem. chanter sous la douche aussi, peut-être. pas mal ce petit remix de Jérusalem de Love Generation, Bob Sinclair. Ouais, on adore sur la radio, ça fait plaisir de l'entendre le matin comme ça. Il va fêter son grand retour avec un nouveau single qui va arriver là pour la rentrée, je peux vous dire, un nouvel album aussi. Ça va faire mal. L'horoscope qui arrive, on est en direct, il est 7h34 minutes, Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'horoscope, c'est maintenant. Et moi, j'espère que vous avez pris bien vos dispositions. L'horoscope, et on démarre avec les béliers aujourd'hui. Vous avez envie de changement, mais attention à ne pas brûler vos ailes en vous jouant avec le feu. Voilà, vous avez compris les béliers, c'est bien. Attends, il y a Jérôme qui m'envoie un message. Salut Francky, j'espère que les cancers, c'est bien. Bon, on verra ça tout à l'heure, mon ami, ça va arriver. Les taureaux, ne vous attendez pas à une journée mémorable sur le plan sentimental. Vous devrez vous contenter de ce que vous avez déjà et vous ne devrez pas attendre le grand changement aujourd'hui. Les Gémeaux, vous allez devoir tenir compte des désirs de votre partenaire. Vous n'êtes pas le seul à décider après tout. Eh ouais, c'est comme ça les Gémeaux. Les Cancers, mon petit ami Stéphane, célibataire, vous profitez de la vie et vous charmez tout ce qui bouge. Attention à ne pas tomber dans les griffes d'un séducteur ou d'une séductrice. Les Lions, vous manquerez d'enthousiasme et ne croirez plus en votre relation. Il faudra prendre les décisions qui s'imposent. Les Vierges, n'essayez pas de vous justifier à tout prix. Vous n'avez rien à prouver. Ne soyez pas sur la défensive aujourd'hui, les Vierges. Les Balances, vous mobiliserez votre entourage autour d'un projet, d'une réunion familiale qui vous tient à cœur depuis des semaines. Les Scorpions, vos relations avec votre conjoint seront placées sous le signe de la difficulté aujourd'hui. Ah ouais, ça arrive, ça arrive. L'horoscope des Sagittaires. La vie sentimentale sera favorisée par le climat astral célibataire. Vous serez très sollicité ce matin, donc pensez. Ouais, peut-être, vous avez peut-être emballé la machine à café. Les Capricornes, votre charme se révélera très efficace auprès de votre partenaire ou de la personne que vous voulez séduire. Les Verseaux, il semblerait que l'amour plane sur les natifs du début du mois. En couple, vous envisagez une nouvelle étape avec votre relation. Eh ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et enfin, les Poissons, depuis quelques jours, vous vivez une seconde lune de miel. Pourtant, vous pourriez être sujet à des tentations irrésistibles. Attention, la tentation, ça peut être dangereux. Bah oui, on vous l'a déjà dit, même plusieurs fois. Coucou à Léonore, qui est connectée du côté de Saint-Jean-de-Bray. Salut Francky, belle journée à toi. Il y a beaucoup de monde de Saint-Jean-de-Bray qui nous écoute. Et puis, le meilleur des souvenirs, 1997. Dieu m'a donné la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous bénis. On fait l'aïe. Vous trouvez en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel là. J'ai vu la lumière. J'ai béni mon âme. Dans le ciel, maître de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a eu si souvent envie d'étoiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Dieu me donne de la foi, du fond de moi. J'ai dans le cœur, parce qu'il guide mes pas. Dieu me donne de la foi, qui je ne sais quoi. J'ai dans le cœur, parce qu'il guide mes pas. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en a commandé passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me défaire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Je me donne de la foi. fois, à qui je ne sais quoi. J'ai dans un cœur parce qu'il dit de mes pas. Votre réveil matin, c'est Francky. 7h44 avec Kenji, Girac, Macalina. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Courage à vous si vous allez bosser ce matin. Puis je vous rappelle, hein, ce week-end, faites gaffe au départ de vacances. Hein, ça va être rouge, noir même, hein, samedi. Soyez très très prudents. Et puis hier, malheureusement, l'os russe Tamerlan Bakhaev, premier au classement mondial des plus de 100 kilos, du haut de son 1m75, a fait chuter le colossal Teddy Riner au troisième tour. Eh ouais, mais bon, il va peut-être se rattraper, médaille de bronze, ça sera 10h30. Voici le meilleur des souvenirs avec les Good Job Project sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée si vous êtes en voiture avec le soleil pour le moment. Profitez-en. Normalement, quelques nuages devraient arriver avant midi. Les Good Job Project, le remix. Pascal sur la tangentielle qui nous dit Francky, c'est encore le bordel sur la tangentielle. Bah ouais, ça fait des années que c'est le bordel. Même moi hier, je l'ai pris hier soir. Elle est fermée d'un côté, je crois, du côté de Fleury-les-Aubrais. Et cette tangentielle, elle est à vie, les travaux, c'est à vie. Et courage Pascal, allez courage mon ami, doucement sur la tange. Et puis faites gaffe au départ de vacances, hein, bison futé, ouais, mon pote bison, il vous dit de partir plutôt dimanche. Dimanche dans la journée, c'est mieux. Ouais, c'est bien aussi. Ah si, un type qu'on affectionne à la radio, c'est Hypnotizod. Et on adore le DJ allemand qui cartonne en ce moment. D'ailleurs, il a fait un album, il est terrible. Thank you. space to drown them out. Avec Hypnotized, l'album s'appelle Guitarbox Discothèque et je peux vous le dire, il faut vous le fournir d'urgence. Hein. J'ai écouté quelques morceaux là pendant le titre et il est terrible, il est vraiment terrible hein, à l'époque du disco et de la funk. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Et puis vous qui êtes sur la route du boulot ce matin, allez courage, la dernière ligne droite peut-être demain, départ en vacances avec le meilleur des souvenirs de Palmas sur la route toute la sainte journée. On est en direct jusqu'à 9h, 7h53 minutes.

cosas quedan por hacer aquí en mi corazón. Haciendo el amor, gastando tu piel hasta el amanecer, buscando tu boca para decirte adiós. ¿Por qué me vas? Ya no sé ni lo que siento por amarte. Si tu t'en vas, je ne sais plus comment faire pour vivre sans toi. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah bien Julie qui est sur la tangentielle aussi, qui a dit oh là là, la galère cette tangentielle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Jules, il a des problèmes avec Kenza. Hein, il arrive. Problème, les meilleurs des souvenirs avec Jules et Kenza Farah. Trop, c'est trop. Éviter les problèmes, je peux pas te le promettre. J'adore chanteur, c'est Jules derrière. Et on comprend rien quand il chante, le mec. Jules, souvenir avec Kenza Farai. Le problème, mais non. Vous avez des problèmes pour ce moment? Non, tout va bien dans votre vie. Le ciel est beau aujourd'hui, côté météo, jusqu'à 24 degrés. Quelques nuages dans le vent tout à l'heure avant midi. Peut-être quelques gouttes de pluie, je regarde Météo France. Mais bon, ça devrait pas durer. Hein. Normalement, demain, il fait beau. Normalement, avec aussi encore pas mal de nuages. Et un peu de Kizomba. Un titre qu'on affectionne. DJ Neymar, Boy Teddy. C'est sur un arc-en-ciel. Belle journée. Essas tuas brincadeiras, só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Agora toma, baby, as tuas consequências. Já decidi, não quero mais estar a insistir. Eu vou partir, talvez seja o melhor pra mim. Só perdoei-te antes, é porque eu te amava. Consequência, eu já disse. J'ai décidé que vous partiez en vacances aujourd'hui, tout de suite. Bah, c'est ce que dit justement Teddy. Francky, départ en vacances. Je finis à 17h et demain matin, direction le sud de Montpellier. Ah, quelle chance, quelle chance. En tous les cas, vous avez de la chance d'avoir de la musique latina. Bel réveil comme ça, sur la tangentielle. Eh ouais, à quelques heures de vacances, à quelques heures de la plage, avec un bon cocktail comme ça, sans alcool, au bord de la piscine. Ciao, ciao. Bon réveil, bande à la famille. Era só janjão, quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão, quando tu dizias pra pedir a tua mão. E o que faço eu, se não ganho o teu carinho? E o que faço eu, se não ganho o teu beijinho? E o que faço eu, se não ganho aonde eu te encontrar? E o que faço eu, se não ganho aonde me amar? Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço. Eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão. Que princesa da rainha do Janjão. Eu não mereço. Eu não mereço. Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher.

7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Avec Marc-Anthony, l'ancien mec de Jennifer Lopez, ouais, grand chanteur de salsa, mais aussi grand danseur. Ouais. Là, ils ont vécu une longue histoire d'amour. On est heureux de vous retrouver. Stéphania, du côté de Saint-Jean-de-Bray aussi, qui nous salue. Salut Francky, moi je vais au bureau dans quelques minutes. Je voulais écouter Kim Véran d'aller au boulot. Ben voilà, il arrive avec le remix de Saint-Ange, mon poteau, qui habitait à Chingy avant. Ouais, ça y est, il est parti à Bordeaux, du collectif métissé. Voici, écrit par Saint-Ange du collectif métissé, c'est J'aimerais trop qu'elle m'aime. Tellement fragile, son sourire m'a...

Le meilleur des souvenirs en 2000 avec la SketchUp, ça l'est, hey, ah, j'adorais s'annoncer ça sur la plage. Christelle qui arrive. Arc-en-ciel avec Christelle Chapiotin. Voyons, la star de la radio, elle est là. Bonjour Christelle Chapiotin. Moi je danse moins bien que toi, le ACRR. J'arrive pas à dire les paroles, je les ai à peu près, mais alors les gestes, je sais qu'il fallait mettre les mains dessus, les mains dessous. Ouais. C'est pas facile, hein. Il faut être danseur professionnel pour ça. Ça pourrait être une discipline des jeux, peut-être. Il faudrait y penser. Ouais. Hein, breakdance, tu vois. Hein. Voilà. Et ben, on va y penser pour le prochain JO, ma Christelle. T'étais à fond sur le handball, là, c'est ce que tu me disais. Ouais, je me console parce que là, en fait, pour une fois, j'ai pas trop dormi cette nuit. Je me suis dit, c'est pas grave, il y a des trucs à aller chercher. Puis j'avais pris l'habitude de me réveiller avec des médailles. Et là. Que l'équipe d'escrime, elle a perdu. Le Teddy Riner, le pauvre. Ah ouais, le pauvre. Perdu aussi. Bah, il était costaud en face aussi, le russe, là. Hein. Ouais, mais ça se joue au Golden Score sur un. Ouais, enfin, après, j'ai pas vu le truc en direct, mais ça a l'air d'être un petit peu. C'est pareil, c'est au dernier moment. Enfin, c'est. Voilà. Au judo, ça va tellement vite que c'est. Voilà. C'est frustrant par rapport à tout ce qu'il a. Pas grand chose, en tout cas, hein, pour la France. Non, puis le BMX, il y avait quand même. Je me souviens, sans bon, trois garçons au final, une fille, il n'y a pas un podium, il n'y a rien. Donc, tu vois, je me dis, oh là là, ça va pas. Et heureusement, là, le handball me redonne un peu de sourire. De baume au cœur. Ouais. Heureusement. Il y a des trucs sympas parce qu'en judo, faut pas oublier qu'il y a quand même aussi, chez les filles, il y a une demi-finale quand même qui va se jouer. Donc. Mais ouais. Mais était Teddy peut-être le bronze pour lui à 10h30, je crois. Voilà. Hein, ouais. Il a déjà d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est lui ou son staff, mais ça a tweeté pour dire qu'il fallait se mobiliser pour le bronze. Donc, on sait qu'il va, de toute façon, c'est un champion, il va pas lâcher le truc comme ça. Ah, il est costaud. Du côté des filles, voilà. Et puis du côté des filles, il y a une demi-finale quand même avec, avec Romain Dico. Donc, voilà, le judo est pas. Et pas perdu encore. Non, c'est ça. Puis on a aussi une finale. Alors, il n'est pas de chez nous, mais bon, ça vaut le coup de le dire. Quand même, on a une finale en canoë et kayak avec Boris Neveu en slalom, tu sais, dans les eaux. Ouais. C'est sympa aussi. Enfin, il y aura des trucs à faire, mais là, c'est vrai que le handball, c'est une valeur sûre pour l'instant. Et le BMX, c'est dommage, le BMX, hein, j'y croyais. Hein, ça me rappelle ma jeunesse. Bah, c'est ça. En fait, en plus, ouais, franchement, je crois que pratiquement toute l'équipe de France était qualifiée pour la finale. Alors, c'est pareil, je l'ai pas vu parce que c'était à 3h ou quelque chose comme ça. Mais je m'attendais, en me réveillant très très tôt cette nuit. Donc, j'avais hâte que le soleil se lève, hein, je te le dis, parce que pendant la nuit, c'était pas terrible, en fait. Les épéistes Teddy Riner et puis le BMX, ouais, c'est clair que c'était pas génial. J'espère qu'on va aller dans des jours meilleurs. Oui, non, mais là, on va. Je te dis, il y a peut-être une médaille de bronze pour Teddy Riner, on ne sait pas. Il y a le kayak qui va arriver. Mmh. Là, il a fait deuxième temps des séries de la demi-finale, Boris Neveu. Ouais. Et puis là, le judo, on sait pas. Puis là, je te dis, non, le handball, c'est bien. En plus, on a aussi un représentant indirectement, et de la Ligue du Centre, c'est Valentin Porte, qui a été formé en Eure-et-Loire et qui est bien connu dans la Ligue du Centre de handball. Son père a été joueur. Son père, il a été international de hockey sur gazon. Ah ouais. Il était Nicolas Porte, il était joueur d'ailleurs à Orléans. Il a joué au CLTO, le club d'Orléans de hockey sur gazon. Il a été international de hockey. Et pour la petite histoire, ça me rajeunit pas, hein, je dois pas dire, mais son père, Nicolas Porte, j'ai fait mon premier article presse écrite avec lui. Ouais. Et donc après, quand j'ai fait le reportage sur Valentin Porte, le fils, j'ai pris un petit coup de vieux quand même, j'avoue. Ouais, c'est vrai, souvent, hein, quand on voit des souvenirs comme ça, on prend un coup. Hein. Ouais. En fait, j'ai retrouvé son père quand Valentin Porte jouait à l'époque à Toulouse et il jouait en Coupe de France contre Gien. Mmh. Et forcément, les parents étaient venus le voir parce que les parents habitaient encore à l'époque dans le Loiret. Et on s'est retrouvés là avec le père et on s'est retrouvés face à face, tu sais, mais on s'est dit on se connaît. On se connaît. Et voilà, exactement. Et là, tu te dis, purée, j'ai fait le père fils là. Et voilà, là, toute la famille. Là, je vieillis, là, ça va pas du tout. Et ouais, mais tout le monde vieillit, Christelle, t'inquiète pas, mais t'es aussi charmante, Christelle. C'est gentil. Ah, il est gentil, Francky, ce matin. Il est toujours. Enfin, oui, en principe, ça dépend des jours. C'est pas mal. Hein. Disons qu'il ne faut pas la chicoter, le garçon, ça. Voilà, c'est ça. Bon, on va croiser les doigts, hein, pour le reste, hein, en espérant. Bah, écoute, là, oui, aujourd'hui, on a des trucs sur le feu. Après, on a une petite déception aussi au niveau. L'athlée a commencé, là, mais on a une petite déception avec le Lassonne Jouan, qui est bien connu aussi dans le Loiret, puisqu'il est né à Montargis et qu'il a porté les couleurs longtemps de l'éco-CJF. Il a malheureusement pas réussi à sortir des qualifs en lancer de disque, donc l'aventure elle se termine déjà pour lui. Ouais. Mais bon, après voilà, il y a encore des choses à venir, il y a encore le temps là, hein. Oui. Bon bah c'est bien, Christelle. Bon bah écoute, on te laisse continuer ton petit... 3,29 pour la France, hein. Ah bah ça va, on croise les doigts alors, hein, en espérant. Et puis en plus, Valentin Porte, c'est toujours dans la région, dans la mesure où il est le parrain du Chambray Touraine Handball. Mmh. Donc voilà, mais il est bien connu dans le centre Val d'Or, puis dans le Hand, nous on a quand même pas mal d'équipes à haut niveau. Donc... Ouais, ça va, ouais. On se débrouille pas mal quand même. On oui, se débrouille pas mal. Garçon, fille, on est pas mal, ouais. On est pas bon, madame Christelle, bon match, hein. Oui, merci. Bah, allez les bleus, allez les bleus. Bien. T'as le drapeau et tout, j'espère. Ouais, j'ai tout, moi. Bah, j'ai toutes les couleurs. Le Portugal, la France, j'ai toutes les couleurs ici. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, c'est bien en plus. Bah ouais. Tu vois, il y avait on parlait du kayak là. Le portugais, en fait, le représentant du Portugal, c'était un français. Ah bah tu vois, on est bien. On est bien lotis alors. Parce qu'en fait, parce que les grosses nations comme ça, la France a beaucoup de bons kayakistes, etc. Et souvent les gars, ils prennent une autre nationalité pour pouvoir faire les jeux et faire les grosses compètes. Et ben, allez, Portugal. Il y avait beaucoup de Français. Voilà. Bah, je sais pas s'il est passé en finale, lui, par contre. Hein. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que le Français est passé. Je regarderai pour le Portugal la prochaine fois. Ouais, tu regardes ça, hein, tu jettes un coup d'œil pour le Portugal. Ok. Merci, Christelle Champiotin. De rien. À bientôt. Allez, bon match. À bientôt. Au revoir. Et vous aussi, j'espère que vous suivez les JO de l'autre côté de la radio. Hein. Eh bien, appelez-nous, tiens, si vous avez un coup de gueule, un coup de cœur. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Belle journée, courage à vous si vous allez bouger aujourd'hui. Le bout du tunnel n'est pas loin, les vacances aussi, peut-être pour vous à quelques heures. Hein. Les grandes vacances, eh ouais, au soleil, avec les Magic System. On se fatigue jamais. de tes bras chauds. C'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Carolina sur la conciel, Lorenzo qui vient d'arriver dans les studios de la radio avec la belle casquette bleue. Ouais. Force à vous, si vous voulez l'arriver, courage hein, pour ceux qui vont bosser. Puis demain, grand départ en vacances, hein, c'est noir sur la route. Soyez prudents sur les routes, très très prudents. Et la météo pour aujourd'hui, c'est plutôt moyen, on va dire. La météo. Si je me fie au site de Météo France, pas mal de soleil ce matin, avec beaucoup de nuages qui vont arriver vers midi, 14h. Peut-être quelques gouttes de pluie cet après-midi, mais normalement, la soirée devait être dégagée et ensoleillée. Normalement, si tout va bien, en tout cas la météo, pour demain, encore du soleil et des nuages, pas de pluie prévue. Normalement, la pluie devrait revenir pour lundi ou dimanche. Donc, soyez, faites gaffe sur les routes quand même. Hein. Gros départ de vacances. Je vous le répète, samedi, c'est noir et vendredi, aujourd'hui, c'est noir aussi, donc soyez très très prudents. Ed Sheeran avec Beyoncé et The Perfect sur Radio Arc-en-Ciel. Just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, yeah. jamais, non jamais, vous êtes jamais parfait. En tout cas, et lui il est parfait, il arrive le Lorenzo dans quelques minutes, il est là. Ah, dans les starting blocks de la radio. Moi je vais vous retrouver le 23 août. Bah ouais, passez de très bonnes vacances, je vous rappelle, hein, départ noir de chez Noir, donc soyez prudents sur les routes. Et puis prenez soin de vous, de la santé, c'est super important. Un petit coucou à Jean-Pierre de la radio, on le salue au passage. Salut mon poteau, et puis Lorenzo, ça y est là, il est là, il est beau gosse, c'est beau gosse, hein, les filles, attention au karatéka aussi. Allez, ciao, bonne semaine, bon week-end, et c'est Noir sur la route, soyez très prudents à la radio. La radio 100% différente.